Bienvenue à tous. Bienvenue sur cet épisode numéro 1 d'une longue liste d'épisodes, mais ça, c'est pas certain, c'est pas sûr. Déjà, on va bien s'amuser avec les épisodes qu'on va faire, et après, on verra ce qui se passe. Petite musique d'intro, c'est mon premier épisode, donc je vais essayer de planter un peu le décor et de faire quelques petits tests. C'est un peu un épisode zéro, comme on dit dans le métier, bien que je ne suis pas du métier. Petite musique d'intro, petite musique de fond. Je mets le lien de cette musique dans la description de l'épisode. Voilà, je la trouve super sympa, je sais pas ce que vous... Eh oui, vous avez bien entendu, c'est russe. Ça met un peu la patate, cette chanson, je trouve. C'est pour ça que j'ai choisi, pour faire au moins un épisode assez sympa, assez cool. Bon, alors, j'espère que vous allez bien. Pour ce premier épisode, je tiens à me présenter, je m'appelle Charles, et je me suis dit que j'allais faire du podcast. Enfin, j'ai pas envie de l'appeler comme ça, parce que tout le monde a envie de faire du podcast et de pouvoir s'amuser en parlant devant un micro, mais je vais plutôt dire j'avais envie de faire des épisodes audio. Ça fait plus Frenchy. Alors, par quoi commencer ? Mon petit programme, c'est de parler un peu de la technologie, des choses high-tech, et de donner mon avis. Alors, je dis mon avis pour l'instant, peut-être que je serai accompagné un jour pour débattre sur des sujets technologiques avec des camarades. Pour l'instant, je vais donner mon avis un peu tout seul sur des petites choses que j'ai, que j'aurais envie d'avoir, que je ne comprends pas, que je voilà. Donc ça va être un peu ça. Le premier épisode, j'ai envie de le consacrer sur une caméra vidéo qui fait aussi des photos, qui s'appelle l'Insta360 One X, qui est sorti l'année dernière. Et c'est une caméra qui fait des photos et des vidéos à 360 degrés. Donc il faudrait qu'on en parle, parce que je trouve, pour ma part, que ça révolutionne vraiment le monde de la photo et de la vidéo, surtout en post-production. Je vous expliquerai un peu dans l'épisode numéro 1. Voilà, j'espère que... Bah non, c'est pas déjà la fin quand même. Qu'est-ce que je pourrais vous dire ? On est là surtout pour s'amuser, pas se prendre la tête. Et puis... Alors je dis on, c'est vous qui êtes derrière vos écouteurs ou derrière votre casque. Parce que pour l'instant, moi, je suis tout seul derrière mon micro. Donc, peut-être que vous pourriez interagir un jour avec moi. Je sais pas encore comment, sachez que je me suis un peu galéré juste pour faire l'installation du matériel. Avant, quand j'enregistrais un audio, je prenais mon micro et j'enregistrais, puis après je faisais de la post-production sur mon ordinateur en mettant des petits sons là. Mais là, j'ai voulu changer un petit peu. Je me suis dit, pourquoi pas, je vais le faire directement sur mon ordinateur. Alors au départ, j'ai branché ce qui s'appelle GarageBand sur Apple, et puis ça marchait pas. Et puis en plus, je connais pas trop le logiciel, donc j'ai passé déjà un bon moment à trouver l'origine de du non-fonctionnement du micro sur le Mac. Et comme je n'ai toujours pas trouvé, j'ai changé, je suis parti sur le PC avec un bon vieux Audacity qui fait très bien le travail. C'est quand même plus cool. Donc là, voilà, en fait, il y a la musique qui tourne et en même temps je parle, et puis je peux l'arrêter, puis je peux la remettre, et puis je peux aussi la corriger après avoir fait cet audio. Donc je trouve que c'est assez cool. Voilà, donc on se retrouve du coup pour un épisode 1 qui sera consacré à l'Insta360 One X, une caméra 360 degrés qui fait des photos et des vidéos. Et comme je vous l'ai dit, je trouve que ça révolutionne. Pourquoi, on le verra dans ce premier épisode. En attendant, j'espère que vous passerez un bon moment devant, enfin surtout dans vos oreilles, à écouter ce premier épisode. Et puis on se dit au prochain épisode, qui sera l'épisode 1. Portez-vous bien, à bientôt, ciao, ciao. нужен гол, мы за питерский футбол, наш «Зенит» чемпион.